Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 85. Du sacrifice. La loi naturelle ordonne d'offrir des sacrifices à Dieu, et seulement à Dieu. L'oblation des sacrifices oblige tout le monde. 1. La loi naturelle prescrit-elle d'offrir des sacrifices à Dieu? On a offert, dans tous les temps et chez tous les peuples, des sacrifices à la divinité. Or ce qui se rencontre partout et toujours est fondé sur la nature, donc l'oblation des sacrifices est prescrite par la loi naturelle. La raison naturelle enseigne à l'homme qu'il est sous la dépendance d'un être supérieur qui le conduit et le soutient. Cet être, le monde entier l'appelle Dieu. Les lumières de la raison naturelle vont plus loin, elles nous prescrivent de témoigner à cet être suprême notre respect et notre soumission d'une manière conforme à notre nature. Or l'homme est ainsi fait que, pour manifester les sentiments de son âme, il a besoin de signes extérieurs, et cela parce que la connaissance nous vient par les choses sensibles. Il doit conséquemment se servir de certaines choses extérieures pour exprimer, en les offrant à Dieu, sa dépendance et sa vénération. Ainsi le vassal reconnaît par des offrandes le domaine de son seigneur. Voilà le sacrifice dans sa nature première. Il dérive, on le voit, du droit naturel. Note. La loi naturelle veut que l'on offre des sacrifices à Dieu, mais il appartient au droit positif de déterminer les choses particulières que l'on doit offrir en sacrifice. Les hommes, toujours d'accord sur le premier point, ont souvent différé sur le second. L'Écriture ne mentionne pas tous ceux qui, dans l'ancienne loi, sacrifièrent au Seigneur. Adam et Isaac, dont elle ne parle pas, offrirent, sans aucun doute, des sacrifices et des oblations, comme les autres justes, car, avant Jésus-Christ, les sacrifices, comme l'enseigne saint Grégoire, servaient à effacer le péché originel. Fin de la note. 2. Le sacrifice ne s'offre-t-il qu'à Dieu? La loi ancienne contenait cette sentence, « Quiconque sacrifie à d'autres qu'au Seigneur sera puni de mort. » Exode 22, 20. Nous l'avons remarqué, le sacrifice extérieur est le symbole du sacrifice spirituel par lequel une âme s'offre elle-même intérieurement à Dieu. Le sacrifice que Dieu demande, disait David, est un esprit brisé par la douleur. Psaume 50, 19. Or, dans le sacrifice, nous nous offrons à Dieu comme au principe de notre création et au bien final qui nous béatifie. Ce sacrifice de nous-mêmes ne devant être offert qu'au Dieu suprême, nous ne devons aussi offrir qu'à lui les sacrifices extérieurs qui en sont l'expression sensible. C'est ainsi que, dans tous les états, on réserve au souverain certains hommages que l'on ne peut accorder à d'autres, sans commettre un crime de lèse-majesté. 3. L'oblation du sacrifice est-elle l'acte d'une vertu spéciale? L'oblation du sacrifice, qui a pour but d'honorer Dieu, est l'acte spécial de la vertu de religion. Les autres vertus peuvent avoir aussi pour objet d'honorer la divinité, par exemple, l'aumône donnée pour la gloire de Dieu, ou la mortification du corps pratiquée dans le même but. Aussi ces œuvres, sous ce rapport, peuvent-elles être appelées des sacrifices. Mais il est des actes qui ne sont louables que parce qu'ils ont pour but de révérer Dieu, et ce sont ceux-là qui s'appellent proprement des sacrifices, ils appartiennent à la vertu de religion. Note. Nous avons trois sortes de biens, les biens de l'âme, que nous offrons dans le sacrifice intérieur par la dévotion et la prière, les biens du corps, que nous offrons par le martyre, par l'abstinence et par la chasteté. Les biens extérieurs, que nous offrons immédiatement par le sacrifice, immédiatement par l'aumône. Il y a entre le sacrifice et l'oblation cette différence que, dans le sacrifice, on opère, pour un but religieux, un changement quelconque sur l'objet que l'on offre à Dieu. Par exemple, on immole un animal et on le brûle, on bénit des pains, on les rompt et on les mange, au lieu que, dans l'oblation, on place sur un autel les choses que l'on offre, sans leur faire subir aucun changement. Tout sacrifice est une oblation, mais la réciproque ne serait pas exacte. Fin de la note. 4. Tous les hommes sont-ils obligés d'offrir des sacrifices? Les sacrifices sont de deux sortes. Il y a d'abord le sacrifice intérieur, qui est le premier et le plus essentiel, celui-là, tous les hommes sont tenus de l'offrir à Dieu, à qui tous doivent l'hommage d'un cœur dévoué. Il y a ensuite le sacrifice extérieur, qui se subdivise en deux. L'un tire toute sa bonté de ce que l'on y offre à Dieu à un objet extérieur, en signe de dépendance et de soumission. Autre est, à cet égard, l'obligation des chrétiens, autre était celle des juifs, autre celle des peuples non soumis à la loi. Les chrétiens, comme les juifs, doivent offrir les sacrifices prescrits par la loi divine. Les peuples qui n'étaient pas sous la loi étaient tenus à des actes extérieurs, selon les convenances du temps et du lieu, pour honorer la divinité, mais rien ne les obligeait à tels ou tels sacrifices déterminés. L'autre sacrifice extérieur consiste dans les différents actes de vertu que nous rapportons à la gloire de Dieu. Quelques-uns de ces actes sont de préceptes pour tout le monde, les autres sont de surérogations et n'obligent pas tous les hommes. Markandanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.